La nuit dernière, j'étais ferré effectuer un remplacement de cerveau. Je dois vous dire que je possède toujours le cerveau original de Sinistros. Donc, ce remplacement a été fait vers un de mes zombies, faisant partie d'un nouvel arrivage. Et souvenez-vous, je vous ai dit que maintenant mes zombies étaient made in China. Toujours est-il qu'après avoir terminé, j'ai remis le 10 zombies en fonction. Quelle grossière erreur! Je ne me rappelais plus que le cerveau de Sinistros avait été remplacé pour la simple, mais importante raison qu'il ne comportait plus les cellules qui lui permettaient d'aller à la salle litière seule. Quelle horreur! La poire, c'est le nom du zombie en question, s'est mis à tout repeindre le laboratoire en version monochrome. Et je vous laisse deviner de quelle couleur il s'agit. Bref, j'ai pété un plomb. Évaluant le niveau du dégât et tenant compte que cette section du laboratoire était de moins en moins pratique, j'ai décidé de couper la poire en deux et ai condamné cette section. Morale, faire confiance à du matos usagé, c'est une chose, mais faire confiance à du matos qui a été digéré en est une autre. Voici réanimation, et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout présentement, parce que je n'ai pas eu le temps de me pousser lorsque la poire a décidé de tout repeindre. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. 'Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated. 'Cause I, Pendragon, said so. Go. Thank you. de contraste. C'est fou, 89 ans. Jeudi le 30 octobre, 21h30, le Zénob sera l'hôte d'un événement horrible et sanglant pour le lancement du premier album de Full Blood, du punk sale et garage à souhait. En première partie, Don et Oromocto Diamond. Si vous n'avez pas peur, rendez-vous au Zénob le 30 octobre prochain pour le lancement du premier album de Full Blood. Tous les jeudis matin, deux brunettes très différentes vont essayer de s'entendre pour vous faire découvrir leur style de musique. Un rendez-vous à ne pas manquer. Deux filles, deux styles, une émission, les jeudis, 9h30. Radio Sonic est une émission de découverte musicale éclectique. On y joue des nouveautés, des classiques, en plus de parler de l'actualité musicale. Radio Sonic, tous les jeudis de 21h à 23h sur les ondes de C'est fou. L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Zitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous aurez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Zitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Zitel, allez plus loin. Fou de spectacle. Spectacle. Spectacle. C'est fou, 89 ans. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation, cette dernière du mois d'octobre 2014, de 7 ans de disgrâce 2014. Je suis le Dr. Payne Pendragon et je vous accompagne métalliquement jusqu'à 21h. Dernière émission du mois d'octobre, puisque la semaine prochaine, le 4, sera la première du mois des morts. Je vais m'y complaire. Court bloc, quand même, relativement long, composé de trois pièces. Avant cette pause publicitaire, nous avons entendu Metal Church et la pièce titre Metal Church de cet album du même nom, qui est paru en 1984 sous étiquette Ground Zero. Selon moi, et selon certains amateurs, il s'agit encore d'un des très bons albums métal de ce genre, malgré le fait qu'il date de 84, c'est un album, selon moi, qui est encore très actuel. Nous avions juste avant la formation American Death et la pièce A Moment of Clarity, que l'on retrouve sur leur dernier album studio original paru de cette formation, qui met bien sûr comme leader en évidence Chuck Schuldiner, l'album étant The Sound of Perseverance, qui est paru en 98 sur Nuclear Blast. C'est le dernier album, bien entendu, parce qu'on sait tous que Chuck est décédé. Et nous avons ouvert ce bloc avec Voivod et la pièce titre de cet album Killing Technology, qui est paru en 1987 sous étiquette Noise. C'était le troisième album de la formation québécoise, album complet, qui, ma foi, est le dernier... Non, c'est pas vrai. C'est l'entre-deux pour situer Voivod entre une séquence de deux albums, soit War and Pain et Roar, qui étaient profondément métal méchant, je dirais très chaotique, mais excessivement bien fait, vers un album qui porte le nom de Dimension Atroce, qui déjà, en fait, Killing Technology, comment je pourrais dire, instiguait quelque peu, une version un peu plus... progressive, métalliquement parlant, de Voivod, ce qu'ils ont atteint un peu plus avec Dimension Atroce, bien entendu, et par la suite Nothing Face et Angel Wrath, qui qui sont des albums qui sont, je dirais, incontournables pour les amateurs de métal. Ce soir, l'émission chargée, puisque j'ai trois présentations à vous faire. En fait, on ne fera pas le tour en entier de ces présentations, mis à part une, puisque ce soir, comme je l'avais annoncé la semaine dernière, on va faire une incursion dans le nouvel album de Obituary, l'album Inked in Blood, qui est paru, je crois, c'est le 27, si je ne m'abuse, possiblement lundi ou jour. Ben, je vais le vérifier, là. Je vais même le vérifier à l'instant. Je vais pas cacher que je tape sur le clavier, hein. Pas très discret. J'y arrive. Allez. C'était le 24, pardon. Donc, c'était vendredi dernier. Je vous en parlerai un peu plus longuement tout à l'heure, parce que j'ai été relativement satisfait de cet album. On va faire une incursion aussi, une brève incursion, parce que le temps va nous manquer, dans la deuxième parution de cette formation québécoise Beyond Creation, qui en sont leur deuxième sortie avec Heartbound Evolution, album que j'ai quand même apprécié, je dois dire. Formation qu'on a pu voir l'an dernier au Trois-Rivières Metal Fest, ici même à Trois-Rivières, qui avait donné une bonne performance, malgré le fait que, dès le départ, Forrest avait des problèmes avec un de ses équipements, un des fils, je crois. Mais la musique était tellement pleine qu'on a eu l'impression qu'il jouait pareil. Mais ça s'est rétabli assez rapidement, puis j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant. Et cet album-là l'est aussi. Mais ça fait partie de la chronique musicale qu'on va aborder un peu plus tard. J'ai aussi une chronique cinéma qui est relativement garnie, mais quand même avec des choses assez intéressantes. Mais tout de suite, on va aller faire un tour dans un métal qui est un peu plus progressif, comme je le disais tout à l'heure en parlant de Voivode. Oui, métal qui est plus progressif, mais qui va s'en aller vers la fin, vers un métal un petit peu plus mathématique, même des fois, je dirais, un peu chaotique, effectivement. Mais on va débuter le tout avec un grand classique qui est revu par une excellente formation, qui est une formation de métal progressive, qui n'est plus à présenter. Il s'agit de Hopeless, et c'est leur reprise, Circle of the Tyrant. Go! The battle was

Octobre, Borealis souligne l'Halloween. Voyez gratuitement la soirée de court-métrage des petites vues spéciales horreur. Pour les 16 ans et plus seulement. Une présentation de Lorne Gaulin Dentisterie. Pour information, visitez borealis3r.ca. Débat, enquête, entrevue. Pour tout savoir sur les enjeux étudiants, ne manquez pas les coups des franches avec Yann Bellemare et Jean-François Chapdelaine. Tous les lundis, 13h. Chaque lundi soir, 19h, Frédéric Durand vous présente des figures marquantes et moins connues du rock psychédélique et artistique des années 60 à aujourd'hui. Des chroniques littéraires et cinématographiques viennent également agrémenter cette émission qui souhaite poser un regard critique sur les genres qu'elle aborde. Le voyage insolite, tous les lundis soirs, 19h. Toujours les vendredis soirs, retrouvez maintenant les Bonnets Rouges de 20h à 21h. T'aimes le punk, t'aimes le oi, t'aimes le ska, t'aimes le hardcore et t'aimes le psychobilly. Eh bien, écoute Ska et Punkka tous les jeudis. Non, non, tous les vendredis. Entre 21h et 23h, sur les ondes de C'est Fou, le réseau Campus de Trois-Rivières. C'est fou, 89.1. Well, 20h pile, et vous êtes toujours à l'écoute du Undead Incorporated Show Réanimation. Oh, ma compagnie, si charmante, celle du Dr. Pendragon. N'importe quoi. Juste avant cette pause, information française, Gojira et la pièce Backbone, que l'on retrouve sur leur troisième album studio, soit From Mars to Sirius, qui est paru en 2005. Nous avions Meshuga et la pièce Strasbourg at Random, que l'on retrouve sur Nothing, album qui est paru en 2002 et qui a été réédité en version bonifiée. Je crois que c'est en 2007 ou quelque chose du genre, je devrais vérifier. Chose que je ne pense que très rarement, parce que je n'y pense pas, il s'agit de Enslave. Effectivement, Enslave, cette formation qui donne dans un métal progressif viking, si on veut. Formation qui vient de Norvège et qui fonctionne très bien, oui. Qui est active depuis 1991. La pièce Warun, qu'on retrouve sur Axioma Ethica Odini, paru en 2006. C'est un album que j'aime bien, que je ne pense pas assez souvent de l'écouter ou d'en diffuser. De même que j'aime bien l'album qui est, en fait, de 2006, qui est deux albums avant à actuellement été coordonné, soit Rune, qui est paru en 2006, comme j'ai dit, qui est très bon aussi. En fait, ils sont possiblement tous bons, mais je les connais pas tous. Mastodon et la pièce March of the Fire Hands. Ça, c'est tiré de Remission. C'est leur premier album officiel complet de cette formation qui, oui, dans un métal. Sur Remission, c'est un métal un petit peu plus musclé, mais à forte tendance progressive. Ils sont devenus très progressifs par la suite. Pour par la... En fait, dans les derniers, je dirais peut-être les 3 ou 4 dernières années, devenir un dans un genre musical qui me plaît un peu moins, que je trouve un petit peu plus mou. C'est subjectif, bien entendu, mais ça me plaît beaucoup moins. Et on a ouvert avec Opeth, la reprise de ce grand classique du métal des années 80 sur Circle of the Tyrants, qui est originellement de Celtic Frost. Bien entendu, qui, selon moi, est admirablement bien reprise sur l'album My Arms, Your Ears, qui est paru en 98 sur Candlelight. Côté musique, chronique musicale, eh bien, il y a peut-être des choses intéressantes. Si vous êtes amateur de Behemoth, eh bien, le 1er novembre, il y a un special LP vinyle uniquement en vinyle, version vinyle qui sortira. Donc, ça risque d'être fort intéressant. J'ai évidemment pas rien entendu de ça. C'est, ça semble être une espèce de cadeau qu'on nous fait de la part de Behemoth, comme ça. Ils sont forts là-dessus aussi, d'ailleurs, Behemoth, à l'occasion de sortir des petites surprises. King Diamond, un nouvel album King Diamond. Ben, en fait, nouvel album King Diamond, c'est une espèce de forme de rétrospective, si on veut, qui paraîtra, qui est, en fait, je crois qu'elle est parue. J'ai peut-être fait une erreur sur mon annotation, mais c'est peut-être le 11 novembre, je vais vérifier. Et le 17 novembre, c'est Bloodbath, un nouvel album pour Bloodbath. Évidemment, sans Mike Akerfeld. Bref, je suis curieux de l'entendre. Il y a une pièce présentement qui est disponible et je n'ai même pas pensé d'aller l'écouter. J'ai découvert et écouté des choses qui sont, ma foi, assez intéressantes que je vais me proposer de vous diffuser au fil des prochaines semaines. Entre autres, la semaine prochaine, je vous dis tout de suite que je vous proposerai le nouvel album de At the Gates qui porte le nom de At War with Reality. Album auquel j'ai donné un 7 sur 10. Fort étrangement, parce que c'est une formation qui donne dans un death metal mélodique, formation suédoise, donc connotation très européenne, bien entendu. Et comme je l'ai dit dans la chronique sur le site de réanimation, AD.com, c'est peut-être la seule formation du genre avec laquelle je me sens des affinités. Bref, on s'en reparle un peu plus en détail la semaine prochaine, puisqu'on va faire une incursion dans cet album At War With Reality de At The Gates. Autre album, je me propose de vous présenter aussi la semaine prochaine. Album que j'ai quand même assez bien aimé. Il s'agit du nouvel opus de Abysmal Down, formation américaine qui donne évidemment dans un death metal. Il s'agit de Obsolescence, qui est paru, en fait, je pense que c'est le 24. Oui, c'est vendredi dernier qui est paru sur Relapse Records. C'est un album auquel j'ai accordé un 7.5 sur 10. Et ça part très puissamment comme première pièce, comme ouverture d'album. C'est vraiment, comme je l'ai dit dans la chronique, un coup de poing sur la gueule. Il n'est pas égal, cet album. Il y a des moments très forts, il y a des moments beaucoup plus faibles, par contre. Mais en plus petite quantité. Donc, on s'en reparle aussi la semaine prochaine. Chose fort intéressante que j'ai eu en advance, qui sortira le 3 novembre prochain en CD uniquement. Il s'agit du... en fait, c'est la nouvelle parution en version EP mini-album de 4 pièces du projet conceptuel Nader Sadek, qui donne dans un death metal assez violent par moment, formation américaine, de Malefic Chapter 3, qui est le nom de ce EP. Nader Sadek, évidemment, c'est le nom de ce personnage qui est derrière le concept de plusieurs formations, telles des formations black metal. J'oublie le nom, je suis pas très porté à écouter black metal, mais bon, peu importe. Je vais vous revenir avec ça. Il a monté un band en 2011 qui qui comporte musiciens, entre autres, à l'époque, parce que ce n'est plus le cas, Steve Tucker, ex-Morbid Angel, qui était le bassiste et le chanteur de Nader Sadek. Il y avait Ron Erickson, que l'on retrouve dans Aura Noir, entre autres. Bon, Tucker n'est plus là, je pense qu'il se consacre à une autre formation maintenant, mais c'est un band conceptuel, donc c'est possible qu'il y ait des morceaux du puzzle soient interchangeables. C'est le cas ici, on retrouve toujours Ron Erickson, par contre, ils sont quatre, ce n'est plus un trio. Ben, c'est un quintet si on inclut Nader Sadek qui s'inclut dans le band comme étant le personnage derrière le concept. Quatre pièces, la première est déconcertante, je m'attendais pas du tout à ça, c'est beaucoup plus planant, c'est peut-être même par moments atmosphérique un peu, quoique ça s'est musclé, mais pour le reste, là, c'est vraiment excellent, là, j'ai vraiment aimé les quatre pièces, l'entier de ce EP de Malefic Chapter 3, j'ai donné un 8 sur 10, c'est certain qu'on va explorer ça ensemble, éventuellement dans peu de temps. Là, pour l'instant, je m'adresse principalement à un album que je voulais vous présenter, que je vais faire aussi, mais je vous avouerai que je me suis un petit peu botté le derrière pour le faire, parce que j'ai été passablement déçu. Il s'agit du nouvel album de Obituary qui donne dans un old school metal, formation américaine, qui n'est plus à présenter parce qu'ils font partie des pionniers du genre, quoi qu'ils n'ont pas énormément évolué. Ils ont pris une pause quand même peut-être un 7 ans. Pour revenir en 2005, quand même assez en force avec Frozen in Time, je dois dire. The Executioner's Return était quand même un album intéressant. Ça s'est gâché un peu par la suite. Inked in Blood est le nom de ce nouvel album qui vient d'être disponible depuis vendredi dernier, en version CD et LP aussi. C'est intéressant, par contre, de pouvoir sortir sur différentes versions. Je trouve que c'est pas très fort, honnêtement. C'est un album que je trouve généralement très mou. C'est lent. Obituary, ça a jamais été vraiment le band reconnu pour la vitesse. Par contre, il y avait des séquences où c'était beaucoup plus rythmé. Ici, c'est assez mou. Ça manque de puissance. On est très loin de Cause of Death de 1990, qui selon moi est le meilleur encore jusqu'à présent. On est loin, comme je le disais aussi, de cet album de retour qui était Frozen in Time. Obituary donne l'impression qu'ils ne peuvent plus jouer avec puissance et énergie. Est-ce que ça a déjà été le cas? Oui, effectivement, ça a été le cas. Il y a un certain temps, par contre. On sent qu'on traîne un boulet. C'est l'impression que ça donne. C'est pas totalement mauvais, mais ça lève pas comme album. Et puis, ce qui est vraiment moche, c'est que selon moi, les guitares sont mises en retrait. Et c'est très important pour Obituary d'avoir les guitares en avant parce que avec le vocal de John Tardy, c'est ce qui fait le band. Le reste est très secondaire, si on veut. Ici, c'est effacé comme guitare. C'est pas assez présent. On les entend. C'est pas inaudible, mais c'est pas suffisamment présent. Il y a quelques bons moments. Par contre, je dois être franc, j'ai retiré trois pièces pour vous les présenter ce soir, dont, en fait, celle que je trouve étant la meilleure, avec laquelle on va débuter, qui est Visions in My Head, qui rappelle les patterns musicaux de Bolt Thrower, que j'aime bien. Mais, généralement, c'est décevant. Je lui ai accordé un 5.5 sur 10. Et honnêtement, je me trouve généreux. Ben, je vous laisse vous en faire une idée parce qu'on va écouter ces trois pièces suivantes de Inked in Blood, soit Visions in My Head, Back on the Top et Violence. Et Violence, c'est une pièce quand même relativement intéressante aussi. Faites-vous-en votre propre idée et puis gardez-la pour vous. Go! Time!

différence. C'est fou, 89 ans. Jeudi le 30 octobre, 21h30. Le Zénob sera l'hôte d'un événement horrible et sanglant pour le lancement du premier album de Full Blood, du punk sale et garage à souhait. En première partie, Don et Oromocto Diamond. Si vous n'avez pas peur, rendez-vous au Zénob le 30 octobre prochain pour le lancement du premier album de Full Blood. Voici les trois raisons pour écouter Les Précieuses Ridicules. L'humour déjanté de Marie-Christine Perra, les informations pertinentes de Myriam Lortie et les judicieux conseils d'Alexandrine Pichissir. Mais surtout, pour se tenir au fait de l'actualité culturelle trifluvienne, pour avoir un divertissement incontesté, des invités déjantés ainsi qu'une radio-théâtre de qualité. Ne manquez pas Les Précieuses Ridicules, les dimanches à 11h, sur les ondes de C'est Fou 89.1. Monsieur, franchement. Fou de musique, fou de chronique, fou de passion. Prends enfin le micro pour te faire entendre. Votre radio C'est Fou est toujours à la recherche d'animateurs passionnés ou de chroniqueurs intéressés, intéressants. Donne-toi la chance de vivre une expérience radiophonique enrichissante et joins-toi à l'équipe de C'est Fou. Pour plus d'informations, prog C'est Fou à commercial uqta.ca ou visite le c'estfou.ca. Fou de variété. 89 ans. Vous êtes à réanimation. On vient d'entendre trois extraits tirés de ce nouvel album de Obituary, soit Inked in Blood, qui est paru vendredi dernier sur Relapse Records, soit Violence, avant cette pause publicitaire, Back on Top et Visions in My Head. Personnellement, je l'ai dit, je suis déçu de cet album-là. J'ai été déçu du précédent aussi. Je crois que Obituary a fait ce qu'il avait à faire et qu'il devrait passer à autre chose. Honnêtement, c'est mon opinion. Parce que le précédent, Darkest Day, était... la pièce d'ouverture était quand même bien, List of Dead, mais le reste était assez ordinaire, quoique meilleur que Inked in Blood. Mais encore là, je pense que ça se dégrade. Personnellement, c'est ce que j'en pense, ça se dégrade. J'ai apprécié certains albums de Obituary, comme Cause of Death, je le disais tout à l'heure, The Incomplete, c'est bon. World of Mides, c'était bon aussi. Back from the Dead, c'était bien. Frozen in Time, c'était un bon album de retour aussi pour 2005. Executioner's Return, pardon, 2007, c'était bien aussi. Après ça, je pense que c'est tout. Anyway. Faites-vous-en votre propre opinion, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis si ça vous a plu, tant mieux. Si ça vous a plu, si ça vous a déplu, tant pis. Il y a autre chose. Je garde pour tout à l'heure l'album de Beyond Creation. On va conclure l'émission avec ceci. Pour l'instant, on va y aller parce que c'est la présentation de l'album marquant du mois. C'est le dernier épisode. Je dois écouter trop de séries télé, moi. Dernière émission du mois d'octobre. Donc, comme à tous les mois, je présente soit une portion ou un album. Dans ce cas-ci, ça va être un album parce que c'est un mini-album d'une formation qui m'a marqué avec cette sortie-là à l'époque. Ça peut être il y a longtemps, comme ça peut être assez récemment. Dans le cas présent, c'est il y a longtemps. C'est en 1984. Il s'agit de la formation Slayer, formation qui, elle non plus, n'a plus besoin de présentation, une formation qui vient de Los Angeles, qui donne évidemment dans un trash metal. Ce sont parmi les réels instigateurs du trash metal, on peut pas se le cacher. Ils sont arrivés ils se sont formés en 81, sont arrivés avec le premier album en 83 qui était Show No Mercy. Ils ont complètement acheté tout le monde par terre avec leur rapidité, avec le chaos que Kerry King amenait, avec cette cette musique agressive qui était en plein d'énergie, qui faisait des contrastes détonnants avec les groupes heavy metal qu'on connaissait à l'époque, qui était très bon aussi, mais en fait, on venait de passer une coche supérieure, un niveau supérieur si vous préférez. Et j'ai retenu le mini-album, le EP Haunting the Chapel, qui est paru en 84. Pourquoi? Parce que j'ai été totalement soufflé par Chemical Warfare quand j'ai entendu ça la première fois. J'ai retenu principalement Haunting the Chapel, je dois le dire, pour Chemical Warfare. Par contre, on retrouve aussi Captor of Sin et Haunting the Chapel, qui est la pièce titre, bien sûr, dessus. Et qui, en fait, c'était une espèce de préparatif à se taper un Hell Awaits qui viendrait en 85, soit l'année suivante. Évidemment, en 84, la même année, on avait eu le Live Undead, qui est un album live. J'ai jamais été très, très porté sur les albums live, mis à part quelques exceptions. Je dirais quelques 20 exceptions, peut-être. Mais bon, bref. Haunting the Chapel m'a réellement marqué. À l'époque, je m'étais procuré ce vinyle que je n'ai plus malheureusement à mon grand désarroi pour des raisons qui sont toujours obscures avec les décisions du docteur. Bref, c'est une longue histoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la version originale comportait trois pièces, comme je le disais, qui était le côté A, Chemical Warfare, une pièce quand même de 6 minutes 1, et le côté B, qui était Captor of Sin, Haunting the Chapel. C'est réédité en CD, bien entendu, ce que j'ai entre mes mains ici. Et il y a un bonus track dessus qui est Aggressive Protector. Donc, pourquoi ne pas se les taper tous les quatre? Quoique, selon moi, Aggressive Protector, c'est probablement la plus faible des quatre. Mais, bref, on va aller écouter de ce pas Slayer et le EP Haunting the Chapel, parce que ça me le tente. Go! Blood. You feel my lethal touch as I grasp your will of soul.

Quatre pièces tirées de ce mini-album, c'est EP Haunting the Chapel, paru en 1984, soit à l'instant Aggressive Protector. Haunting the Chapel, Captor of Sin et l'excellente Chemical Warfare. C'était mon album marquant du mois. Ben, album, faut le dire vite, un demi-album si on veut, ou en fait un tiers d'album. Rapidement, parce que le temps commence à me manquer, je vous rappelle que le lundi 3 novembre, au Fofones Électriques, BC High Brave Concert International présente Carnival of Death version 2014 qui mettra dans vedette Cataclysm, Suffocation, Jungle Rot, Pyrexia, Internal Bleeding. C'était 18h et il en coûtera 22$ et 27$ taxes incluses pour y assister. C'est au Fofones Électriques et ce vendredi. Un rock classique en compagnie du Rockmaster. D'ailleurs, il pourra vous parler du spectacle qui a eu lieu ce lundi, soit hier, de Arch Enemy et Creator Huntress et Starkill. D'ailleurs, il m'a montré une belle photo qu'il avait prise avec la chanteuse de Huntress. Bref, ce vendredi à rock classique, nous avons des présentations d'albums classiques. Nous avons, je vais vous présenter Hotter Than Hell. Et le Rockmaster va vous présenter des trucs obscurs comme à l'habitude, comme à chaque semaine. Mais ce vendredi, c'est notre traditionnel spécial Halloween. Donc, des pièces qui ne parlent que d'horreur. Donc, c'est un rendez-vous. Soyez-y pour les vrais amateurs de vrai rock. Côté cinéma, le temps me manque, je vous l'ai dit. Je ne vais aller qu'à l'essentiel. Soit cette semaine de vous dire d'éviter absolument le film The Canal. Film qui est une nouveauté. 2014, qui met en vedette des gens que je ne connaissais pas du tout et que je n'ai pas l'intention de revoir dans aucun film. C'est pas complètement pourri, effectivement, mais c'est un film qui est un film d'horreur et de hantise, si on veut, et qui raconte l'histoire de David, qui est un archiviste de cinéma et de court-métrage et qui emménage dans une maison avec sa femme et et son jeune enfant. Il est persuadé que sa femme le trompe. Et à un moment donné, on lui donne un film d'archives des instances, je dirais, des forces de l'ordre de sa ville, qui date des années, début des années 1900. Il se rend compte que dans la maison qu'il habite, eh bien, il y a eu des meurtres capuleux. Il y a probablement même eu des séances de spiritisme et de satanisme. Donc, il est convaincu que sa maison est hantée. Et tout ça se passe dans sa tête. Mais c'est d'une longueur, je dirais, assommante. Et la fin est pas si mal. Mais elle est tellement courte que pour ce tapis, il faut taper 80 minutes avant d'arriver à cette fin qui est quand même pas si mal, mais qui est quand même pas extraordinaire. C'est une perte de temps. De Canal, évitez-le, selon mon humble avis. Bates Motel, saison 1. Je vous en parle plus longuement la semaine prochaine, mais c'est bon. C'est excellent et ça traite évidemment de Norman Bates. C'est le personnage de Psycho, du non moins célèbre film de Alfred Hitchcock, mais c'est revampé la sauce actuelle. On joue dans le temps, c'est intéressant. Je vous en parle plus en détail la semaine prochaine. Le film que je vous conseille de revoir, de découvrir, c'est Rise of the Planet of the Apes, un film de 2011. C'est un film de science-fiction qui est de Rupert Wyatt, qui met en vedette James Franco, Amanda Silver et Andy Serkis. C'est vraiment un très bon film. On revoit cette saga de la planète des singes des années 60 et début 70. Bien sûr, on les remanie et c'était pour moi un petit peu, j'avais un petit peu peur lorsque ce film-là est sorti parce que je me suis dit, je me rappelle celui qui a été fait avec, quel est son nom déjà? J'ai un blanc de mémoire. Un film qui a été fait dans les début des années 2000. Ça va me revenir. C'est un acteur très populaire maintenant. Il l'était aussi à l'époque, mais il est beaucoup plus maintenant. Il est très bon d'ailleurs. C'était vraiment pas bon là. C'était vraiment pas bon. Quoi qu'il en soit, Rise of the Planet of the Apes, c'est un excellent film. C'est bien apprêté, c'est bien mené, c'est bien joué et c'est fort captivant. Et j'ai de la suite dans les idées parce que la semaine prochaine, je vais vous entretenir de Dawn of the Planet of the Apes. Qui la nouvelle parution 2014, cette fois-ci est signé Matt Reeves, mais il met toujours en vedette Andy Serkis et cette fois-ci Gary Oldman. J'ai vu les previews, ça a l'air d'être vraiment bon, donc je vais vous proposer ça la semaine prochaine et quelques autres trucs dont je n'ai pas vraiment le temps de vous entretenir maintenant, si ce n'est que je vous parlerai aussi du film Annabelle, qui est une préquelle à... Je sais pas si je dois dire une préquelle. Je l'ai pas encore vu. C'est présenté comme étant une préquelle, effectivement. Préquelle au film, vais-je le trouver? Hey, j'ai des blancs de mémoire extraordinaires. The Conjuring, voilà, un excellent film d'horreur, un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu dans les 10 dernières années. Ça raconte l'histoire des poupées. Je vous en parlerai la semaine prochaine aussi, évidemment. Autre truc que je vais vous parler, c'est un film qui était un film étranger qui s'appelle The Gang, mais sa version, son titre original est de Ban Van Hoss, qui est un film de crime et de gangster qui se passe dans les années 1900, au début des années 1900, dans les années 20, je crois. Les années 30, pardon. Donc, je vais vous entretenir de ça aussi. Ça risque d'être intéressant, j'ai pas eu le temps de le voir. Il y a des trucs qui sont à venir aussi. Je vous parlerai de la série Helix, saison 1 de la série Helix, la science-fiction, qui m'a relativement laissé froid. Et... chose intéressante pour les amateurs de films pour petites filles. Je dis ça parce que le deuxième était vraiment nul. The Hunger Games of Mockingjay, c'est le 21 novembre. Le premier était quand même bien. Les livres sont supposément bons. Moi, je les ai pas lus, mais ma blonde me disait que c'était bien fait. Le deuxième film était vraiment pourri. C'était un film pour ados. Mockingjay, j'en ai aucune idée, mais quoi qu'il en soit, ça sera en salle le 21 novembre. Ce que j'attends, moi, c'est le 17 décembre, The Hobbit, Battle of the Five Armies, et The Woman in Black, Angel of Death, qui est le 1er janvier 2015, qui est la suite de Woman in Black, bien entendu. On va conclure cette édition de réanimation avec une dernière présentation. Il s'agit de la formation Beyond Creation, formation montréalaise, qui en sont à leur deuxième parution. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai été fermé mon onglet qui me donnait tous les détails de Beyond Creation. Je vais aller ouvrir ça encore, là. Ça a l'air fou faire ça live. Non, les gars. Peu importe. Puis là, ben, il veut pas me le donner. Maudite cochonnerie. C'est pas grave. Je vais réessayer encore. Bon, le voilà, enfin. C'est la deuxième parution de Beyond Creation, qui est une formation qui existe depuis 2005. Le premier étant The Aura, qui est paru en 2011. Beyond Creation, c'est Dominic Forrest Lapointe à la basse, qui est un nom très connu dans le milieu du métal, minimalement au Québec, est un excellent bassiste. Simon Girard au vocal et à la guitare, Kevin Chartré à la guitare et Philippe Boucher à la batterie. Vous avez sûrement, si vous étiez au Metal Fest l'année dernière, vous les avez vus aussi. Je les ai vus l'année dernière et j'ai trouvé quand même que le spectacle était, qui se démarquait de plusieurs formations québécoises dont j'avais eu la chance de voir sur scène. J'ai trouvé l'album, Heartburn Evolution assez intéressant, ma foi. Et puis, je tiens à dire que généralement, j'ai une opinion qui est très, sévère envers les groupes québécois métal, principalement du métal extrême. Je trouve que depuis le début des années 2000, les formations ont fait généralement beaucoup de choses qui sortaient à peu près du même moule, à quelques détails près. Souvent, et très très souvent, et trop souvent peut-être, des formations qui s'empressaient à mettre des millions de notes et de gammes pour jeter plein les yeux. Techniquement, c'était vraiment extraordinaire par moment. Mais on perd l'essence de la musique. On perd l'essence du feeling qu'on doit avoir quand on écoute de la musique, surtout quand c'est en spectacle et puis que les musiciens sont tellement occupés à faire leurs 5000 notes par minute qu'il n'y a aucune présence sur scène. Beyond Creation le font, effectivement. Il y a beaucoup de gammes, il y a beaucoup de notes, il y a beaucoup de techniques qui sont appliquées, mais ils ont une musique qui est puissante, ils ont une musique qui sonne pleine, et c'est ce qui me plaît. Et j'ai accordé un 7 sur 10 à cet album, Heartburn Evolution, qui est d'ailleurs sur une étiquette importante, Season of Mist. C'est pas rien pour une formation du Québec. Moi, j'enlève mon chapeau. Je pense que c'est une des bonnes formations qui représentent le métal québécois actuellement. Et je vous en propose un extrait qui est la pièce d'ouverture qui s'intitule Elusive Reverence. On va se taper ça ensemble et moi je ne reviendrai pas avant la semaine prochaine, mais la semaine prochaine j'y serai bien entendu et on va avoir d'autres trucs fort intéressants. Donc Beyond Creation, et sur ce, allez tous vous faire foutre, bande de cons. Go!